Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Damaj. Cours numéro 29. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. من يذكرنا بمراتب الإيمان بالقدر بأدلتها لـ4 degrés du قدر أو القدر اللي basé sur 4 choses avec les أدلة. تفضل عن ذلك الأولى العلم إن الله كل شيء عليم. هل المذكور هنا أحسنت في السماء والأرض؟ أحسنت. هذا الأول العلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ الثاني قبل هذا الكتابة. ما الدليل؟ مقادير الخلائق. أحسن. ومن القرآن الآية إن ذلك هذا في الخلق. نحن في الكتاب. إن ذلك في كتاب. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكان في الكتاب مستورا أي مكتوب. الثالث ياسين المشيئة. ما الدليل؟ أحسنت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرابعة يوسف العلم والكتابة والمشيئة الخلق. أحسنت. ما الدليل؟ أحسنت. الله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه الأربع أخذنا مسألة أفعال العباد. هل أفعال العباد مخلوقة؟ ما الدليل؟ نعم. والله خلقكم وما تعملون. هل للإنسان قدرة ومشيئة؟ هل الإنسان في هذه الأفعال أي dans ses œuvres, dans les actes qu'il va faire la personne, est-ce qu'il a une volonté, une capacité أم لا؟ ما الدليل؟ ما في دليل. وما تشاءون. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سموخ الإنسان له وسع وله استطاعة وله قدرة وله مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة ثابتة للمخلوق. من انحرف في هذا الباب باب المشيئة للعباد المشيئة في في في أفعال المخلوق من انحرف الجبرية ومن القدرية ماذا قالت الجبرية أحسنت أن الإنسان مجبور إلى بان مشيئة أي سكم لفخصي فهذا قول الجبرية أي لباطل لماذا لباطل القول ماذا لباطل اعملوا لا بأس شيء آخر أحسنت أولا الكتاب والسنة أثبتت المشيئة ثانيا لولا المشيئة فماذا نعم على قولهم الإنسان يعني يلقى في النار وهو مجبور هذا ظلم une personne qui est forcée, qui n'a pas le choix, thumma, il rentre en enfer, c'est une injustice, هذا. Ouais, il n'a pas le choix. فلهذا تلاحظ أن المكره il n'est pas prévu في أعماله. مثلاً, une personne elle vient, elle te force. إما مثلاً tu dis كذا أو il tue. Il y a chose là que tu dises comme عصية مثلاً. والقلب مطمئن بالإيمان لهذا الشر. هذا يجوز. فça montre que le mukrah il a حكم. أما غير المكره فليس بمكره هذا واضح وأمور كثيرة ذكرناها بقي مسألة الاحتجاج بالمعاصي بعض الناس يقولون إذا كتب الله كل شيء وعلمه وقدره وخلقه فالمعصية من الله فيفين معصية إذ قدر الله فما الجواب عن هذا الاحتجاج ما الجواب نعم كما أنك فعلت الشر أي المعصية اتدي الله إلا يكخي ففي الخير في جبيان اتدي الله إلا يكخي هذا من الردود زد عند من نعم أحسن ذلك الاحتجاج بالقدر سبعين حجة الحجة تقدم معنا في إبعاث الرسل الله تنبغي ميساجي تنبغي تنبغي تكسكوز أنت أما تبخون بغي تكسكوز القدر سباطل كذلك أحسنت أن في أمور الدنيا لا يحتاج القدر كثير من الناس je lui propose deux travail مثلاً le premier un salaire de 2000 euros le deuxième un salaire de 1000 euros il va prendre le salaire le plus élevé فنحن نجي هكذا في الآخرة الله يتا montré الجنة الطريق يتا montré طريق النار فبخوض طريق الجنة يكحتو النار كذلك رد مهم ما ذكرتموه أحسنت أن الإنسان لا يعلم القدر فلا يجوز الاحتجاج بالشيء لا تعلمه كما تجي الله إلا يكخي avant que tu fasses tu savais pas ce qu'Allah إلا يكخي لكن une fois que t'as fait t'as su et après tu t'accroches au قدر هذا لا أنت vu que tu sais pas ce qu'Allah إلا يكخي fais du bien وحسن حسن ظن بالله هذا ما ذكره الشيخ العثيمين معنا في كتاب في رسالة مسائل القدر بتفصيل جيد ما هو الكتاب كيف يكونوا لدروس تقريب التدمورية التدمورية الكتاب اللي ديفيزون دو شيغ الإسلام la première partie c'est sur الصفات الأسماء والصفات et la mode des قواعد et la deuxième partie c'est في الشرع والقدر Et il te montre que Ash-Shar ne contredit pas le Qadar. Parce qu'Allah Azzawajal t'a ordonné de faire des choses. Et il t'a interdit de faire des choses. Et avec tout ça, il y a le Qadar, le destin. Et Cheikh Islam, il te montre que ça ne contredit pas ça. لأن الله si t'a ordonné des choses et t'a interdit des choses, en fait tu dois faire. Les ordres, tu dois t'écarter des interdits. Et tout ça, ça ne contredit pas le destin. هذا نحن on l'a vu en détail في التقريب. Enfin, celui qui veut زيادة في هذا يدرس كتاب تقريب التدمورية فهو كتاب عظيم جدا. قال رحمه الله أي الشارح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال والإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها. الآن الذي يؤمن بالقدر بمراتبه الأربع المذكورة آنفا فسيكون يعني ثمرات جليلة لهذا الإيمان. Celui qui croit au qadr, comme on a expliqué, comme il a expliqué sur l'Uthaymin, il va avoir des fruits الآن. قال ابن عباس رحمه الله القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد. القدر c'est ce qui va régler ton tawhid. لأن si tu sais que tout vient d'Allah عز وجل et Allah il sait tout, Allah il a tout écrit, fa tu vas l'adorer عز وجل seul, il y en a celui qui sait tout et tu vas ستعتمد عليه, tu vas placer ta confiance en lui عز وجل كما سيأتي معنا. فالقدر باب عظيم. من حققه سعيد في الدنيا والآخرة. celui qui يعني qui parfait son iman في القدر فإذا réussir في الدنيا والآخرة. قال الأولى من الثمرات الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب أو الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى. هذه الثمرة الأولى أي أنك تعتمد على الله لأن الأشياء يعني لها أسباب. فمثلا celui qui est malade il y a des sebab pour que ce soit il doit faire كذا كذا كذا فصل سبب. أنت لا تعتمد, place pas ta confiance sur sebab et ne t'accroche pas à sebab لأن أنت t'as un iman بقدر. Tu sais qu'Allah il a écrit ممكن tu vas être soigné, ممكن tu vas pas être soigné. Tu peux prendre ce sebab et Allah il a pas écrit tu seras soigné. لكن أنت مأمور بأخذ السبب. لأن البرسل الآن اللي بانجر mais pourquoi on fait des causes, tu fais la cause لأن أنت tu sais pas ce qui est écrit et أنت t'es demandé de faire la cause. قال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله تداووا. فأنت t'es demandé de prendre مثلا si ton malade de te soigner لكن ne t'accroche pas à ce sabab. Tu peux prendre un cachet كذا et ça te fait rien du tout. فنحن نتعقيدة التوكل on le place في الله لا في السبب. السبب on le prend لأنه on est ordonné de le prendre. أما tu peux prendre un سبب et ça ne soigne pas. C'est déjà arrivé هذا معلوم عندكم. Les personnes tombent malades, ils prennent des remèdes, des médicaments, ça ne soigne pas. بل il peut mourir, il peut, ça peut s'aggraver. Il y a des personnes ils tombent malades, Allah يشفي. فأنت لا تعتمد على السبب, اعتمد على الله. هذه ثمرة جليلة في القدر لأن الله عز وجل كتب كل شيء وعلم كل شيء. فأنت reviens إلى عالم الغيب والشهادة عز وجل. تفضل فؤاد. قد حفظ الشريعة أحسنت. هذا الميزان ذكره شيخ الإسلام, ذكرناه نحن في باب التوكل أن الاعتماد على الأسباب شرك. الشرك كما سيأتي معنا في كتاب التوحيد إن شاء الله. وترك الأسباب قدح في الشريعة. فالإنسان المؤمن السني في هذا الباب الوسط نيدلس لكوز كما في الصوفية المخرفة il est malade, il reste dans chez lui et atawakkul ala Allah. Il va pas soigner, il cherche pas là. Hada c'est relou. Hada il exagère. Là, tu dois aller et tu cherches un remède. Wala yaf'al كما يفعل البعض الاعتماد على الأسباب. Si prend pas l'asbab, lui toute sa confiance elle est sur le sabab. هذا لا. نحن لوسط. On prend le sabab et on s'accroche pas au sabab. لأن الأمر لله. أما celui qui délaisse les sabab, لا. قد حكم في الشريعة. الشريعة te demande de faire l'asbab. Fais kada, ba kada. Tu veux des enfants, il faut que tu te maries. Tu veux manger, il faut que tu ailles chercher à manger. Il faut kada, il faut kada. Tu veux te laver, il faut te déplacer. Il faut te déplacer, il faut jtahad. Tout ça, c'est des asbab. La budda minha. قال الثانية أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده لأن حصوله نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح وإعجابه بنفسه ينسي شكر هذه النعمة هذه ثمرة عظيمة أن الإنسان لا يعجب بنفسه أي l'orgueil lui rentre أو يعني يفتخر كذا كذا مثلا إلى غيسي أفير كيك شوز يكواك سلوي لا أنت تفعل نعم العمل كما تقدم أمس مضاف إلى العبد لكن التوفيق والنعمة من الله سي الله إلي غيبا فولي تغو جامي فا وما تشاءون إلا أن يشاء الله فلا بد مشية العبد أن تحت مشية الله فأنت dans tout ce que tu veux et tout ce qui t'arrive comme bien tu remercies Allah أما في هذا الباب الكفار ils ont des عجائب الكفار ils ont du kibr il y en a ils croient que c'est lui qui a inventé كذا ils croient que c'est lui qui a fait كذا ils croient que c'est grâce à lui كذا أنت t'es un عبد مسكين Allah s'il te couperait l'oxygène فقط l'oxygène نعمة من النعم s'il te couperait l'oxygène tu pourrais rien faire بل تموت أو il te couperait l'eau أو il t'enlèverait la vue أو il t'enlèverait كتعب فأنت t'es un عبد مسكين فسي t'as une نعمة أو t'as réussi à faire quelque chose في الدنيا أو في الدين تشكر الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله tout le bien fait que t'as ça vient d'Allah si Allah il veut pas t'auras pas فالإنسان revient à Allah عز وجل قال الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق قال فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه لأن ذلك بقدر الله هذه ثمرة كذلك عظيمة الطمأنينة أي la personne il va être serein il va être calme ولو s'il arrive des problèmes لماذا لأن il sait qu'Allah il a voulu كذا et il l'a écrit c'est obligé que ça arrive فالإنسان من هذا الباب ولو s'il lui arrive un problème il est calme ça veut pas dire que الإنسان c'est pas un robot s'il lui arrive un problème النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام كما تعلمون بكى صلى الله عليه وسلم وحزن ستان اتخمى لكن القدر tu vas être serein tu vas être calme مثلا tes proches meurent tu vas pleurer tu vas être triste لكن pas comme يفعل بعض الناس son iman في القدر il est ضعيف أو il a pas d'iman dans le قدر il lui arrive un problème ممكن il suicide هو ممكن il suicide هذا صمود خلل في القدر الكفار في هذا الباب يضع عجائب Tu vois le taux de suicide vu Bilal-Kufr, il est élevé jitten. Avec le mal qu'ils ont, avec la dunya qu'ils ont, tu trouves que le taux de suicide akthar ma yakun fi Bilal-Kufr. Les gens, ils n'ont pas mis le hada. Ils ne connaissent pas wa qaddar Allah la. Il y a une catastrophe, il arrive plus à s'en sortir, ils vont finir. Wa al-miskin la ya'rif annahu il vient de commencer. Man mat qamat qiyamatuh. Celui qui meurt, sa qiyama commence et son jugement il va commencer le jour du jugement il commence pour lui et il va aller faire le qabr il va être demandé kada kada lakin hada يعني خذلان فالطمأنينة والراحة من أعظم ثمرات القدر أنت si tu crois au qadr si t'arrive une chose tu sais que c'est من قدر الله قد يقول الإنسان c'est quoi la différence entre cette surah et ce qu'on a vu avant il arrive une catastrophe on dit qadr Allah C'est quoi la différence avec ce qu'on avait vu avant par rapport au ma'asi, etc. Dans les deux, t'as pas le choix. T'as le choix. لأن من أفعالك تفضل. Hein? أحسن من هذا الباب طيب أن المعاصي تلشوى من هذا الباب كما قال الأخ أنك مثلا الله تنترضي للكل تلشوى أنت Si tu veux, tu bois. Si tu veux, tu bois pas. Amma al-musiba hadi. Allah, il a pris un de tes proches. Un de tes proches, il est mort. Tu n'as pas le choix fi hada. Fa fi hada al-bab, tu dois qadar Allah. Tu peux rien faire, anta. Kadhalik. Anna al-ihtijaj wal-ma'asi, il est qabl. Maintenant, eux, ils veulent faire une ma'asiya. Avant de la faire, il dit qadar Allah. Amma nahnu avec al-musiba, c'est après. Une fois qu'il y a la musiba, ça arrive maintenant. Ton père, ta mère, ton frère, maintenant, il meurt. Il meurt. Khalas, c'est fait. En tout cas, il n'y a pas de sabab à faire. Al-an, qadr Allah, mouchaval. T'as plus qu'à patienter. T'as rien à faire. T'as rien à faire, c'est fini. Amma al-ma'asi, c'est avant. Si tu veux, tu t'écartes. Fa farrid bayna hadi wa tilk. Wa ala hada yuhmal hadith qissat Moussa ma'a Adam. لأن بعض الجهال يعتمدون عليها قال موسى لآدم كما في القصة قال آدم يعني أنت بسببك يعني أخرج من الجنة موسى إلى جل آدم سبقت كوز قوس في سقط كلاتخمي لسقط جبغادي لأن كما تعلمون آدم أكل من الشجرة القصة معروفة Adam, il a répondu à Moussa, comment tu me reproches une chose alors qu'Allah il me l'a écrit 50 000 ans. Il l'a écrit 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre. Al-An, Ba'dan-Nas, ils peuvent prendre ce hadith. Ils vont dire Moussa, Adam il a fait kada. Moussa il lui a reproché. Il a fait il a dit c'est le qadar. Enfin, moi je fais un péché, si quelqu'un me fait une nasiha, je dis c'est le qadar. Mal farq. On l'a vu à David Tafsir, il dit Mouria, il wasitiya, il Kathir. أحسنت أولا تاب آدم ثانيا أحسنت أن هذا في الآخرة يتوبري في الدنيا في الدنيا يا تبوبري فير الآن في الآخرة إلوي لا تاب من هذا فمثلا أنت تفهم بشي يا لونتون Une personne t'a fait tauba, t'es revenu à la tariq, l'istiqama, et l'akhir. Une personne, elle vient, elle te dit, ah, il y a 10 ans, t'avais fait kada kada. Elle t'a fait tauba, elle t'a. Il y a juste, tu lui dis, qadr Allah, mouchaf, c'est fini, elle a tout. Amma, al-manhi'an, c'est que tu fais le ma'asiyah et t'es moustamir alayha. Moustamir alayha, et si une personne dit quelque chose, tu dis, qadr Allah, là. Qadr Allah, et écarte-toi. Fa farqun kabir bayna hada wa hada. Lakin al-jahl. يعني الذين يستدلون بالقصة سدي جهال أما القصة في واد وهم في واد وراجع كلام شيخ العثيمين في التقريب كلام جميل في هذا قال لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نبرأها أي نخلقها البارئ الخالق قال إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور قال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن الشاهد من الآية واضح ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب qui arrive comme bien ou comme mal c'est écrit عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ الله il a tout écrit فأنت si t'arrive une catastrophe ou il t'arrive un bien tu sais que c'est écrit enfin si c'est un bien là t'ajab binafsik si c'est un bien il ne faut pas que l'orgueil elle te rentre c'est moi qui a fait là remets la ni'ma Allah tu dis j'ai fait هذا non بتوفيق الله j'ai fait ça j'ai réussi à faire ça بإذن الله tu remets la ni'ma إلى الله لئن شكرتم لأزيدنكم Et si c'est une catastrophe, ça va te calmer. Tu dis, et tu crois que Allah Azza wa Jalla l'avait écrit, t'as pas besoin de t'énerver, t'as pas besoin de kada, t'as pas besoin de désespérer. Là, Allah il l'a écrit, qadr Allah wa mashafa. Al-mu'min, si il prend ce mizan hada, al-qadr, ça yastarih fi kathir min al-umur. Amma taqaddama anna al-kuffar, vu qu'ils n'ont pas hada, shay basit. Ahyanan, il se fait licencier d'un travail, il se suicide. Ah, le travail, c'est ça. Je t'ai fait licencier de ce travail, tu vas trouver un autre. Mon kin, tu vas trouver mieux. Alors profite-en, repose-toi. طلب العلم عبادة. أما انظر الكافر. Il se fait licencier, un travail تعبان أحيانا. Tu le trouves, خلاص. يعني suicide et l'akhir. أعوذ بالله من الخذلان. أما المؤمن, il se fait licencier, الأمر سهل عنده. قدر الله مشابعا. Et après, il fait l'asbab, il cherche un autre. Et après, il trouve الأمر سهل. لكن انظر, celui qui n'a pas d'iman بالقدر, يعني ماذا يحصل له. الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له سراء أي شيء يعني يحبه شيء يعني طيب يحبه قال وإن أصابته الضراء أي كل شيء كده في جمال قال الصبر فكان خيرا له قال رواه مسلم هذا حال المؤمن dès qu'il lui arrive des choses bien يشكر الله il a eu un enfant il a حفظ القرآن il a fini un درس tout ça il sait que c'est من الله il dit الحمد لله يشكر الله il lui arrive un mal il sait qu'Allah il lui écrit et il sait que c'est une épreuve il patiente ماذا à part la patience ماذا qu'est-ce que tu vas faire ما عندك إلا الصبر مثلا ton père il meurt ou ta mère elle meurt Tu peux crier, tu peux casser, tu peux... ça va rien changer. Bardemain, c'est un proche, il meurt, il se griffe les joues, il s'arrache les habits, et ça va changer quoi ? Et il va revenir. Là, qu'il y a juste, c'est un être humain, la tristesse, il y a juste. Là, qu'il y a on parle ceux qui dépassent les limites, il y a là. Amma nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama taqatam, d'accord. Là, qu'il y a un tasakhut. والمخالفات يعني بسبب هذا لا يجوز الإنسان يصبر والله مع الصابرين فحال المؤمن هذا بين الشكر والصبر قال فهذه ثمرات القدر ذكر الشيخ مقبل عليه رحمة الله في الجامع الصحيح في القدر أكثر من هذا كم ذكر فؤاد؟ هنا يبي 14 وهكذا 15 نعم 15 الشيخ مقبل عليه رحمة الله إلى 15 ثمرة لكن أهمها هذه الاعتماد على الله الإنسان لا يعجب بنفسه الطمأنينة هذه أهمها لكن شكي في المزيد اللي مقدمة الجامع الصحيح في القدر للإمام الوادعي رحمه الله تعالى فذكر يعني الخير الكثير avec des exemples في القدر طائفتان الآن الشيخ العثيمين va clôturer ce chapitre هذا pour montrer ceux qui sont égarés dans tout ce qu'on a vu في القدر il y a des sectes qui sont sorties à l'époque d'Ibn Umar وبعده ça te montre que القدرية ils sont sortis à l'époque de الصحابة في آخر زمان الصحابة قال طائفتان نعم deux groupes qui sont sortis deux extrêmes il a fait du rouleau il a exagéré et l'autre il a fait tafrit taqsir tu vas avoir deux extrêmes al-qadariya ou al-jabriya qala ihdahuma al-jabriya الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة ça c'est la première طائفة ils ont fait du rouleau في ماذا Ils ont exagéré dans quoi, le Jabriya ? Ahsan, fi mashiatillah. Ils ont fait du rouleau. Aïe, ils disent que la personne, il n'a pas le choix. La personne, il n'a pas le choix. Et Allah, Azza wa Jalla, il lui impose. C'est comme si tu étais mukra. Hada dhalal. Hada dhalal. Allah, il t'a donné le choix. Wa hadaynahu najdain. أي طريق الخير طريق الشر قال الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر هؤلاء ستلزم إكستخيم إذو في جغلو دونك وهؤلاء في مشيئة العبد نعم إذو إكزاجري dans la capacité de la personne. La personne, il a une volonté. Laquelle ils ont exagéré. Hatta ils sont arrivés à un niveau, ils ont dit quoi ? Ils ont dit « Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun lien avec ce qui fait le serviteur. » Et toi tu fais Allah, il n'a pas de Mashiach sur toi. هذا ضلال. قول الحق إلى وسط بين هؤلاء وهؤلاء. تعلمون أن أهل السنة منهج وسط. وجعلنا منكم أمة وسطا. أي le juste milieu. Et هذا c'est في كثير من الأمور. On a vu ça في الإيمان. On a vu ça في التكفير. On a vu ça في العبادة. كثير من الأمور أهل السنة sont وسط. Tu vas trouver toujours un groupe qui exagère et un groupe يعني qui est laxiste. Ah, il ne fait pas assez. Amma le sunnah sont wasat. Ni ils exagèrent, ni taqsir. Wasat. Wa yutabiqun qawlullah azza wa jalla fattaqullaha ma istata'tum. Fa c'est quoi le qawl wasat l'an? C'est quoi le juste milieu dans ce bab? أن العبد لا المشية لكن دكتور لا المشية الآن القدرية وسيديز لا المشية الجبرية يديز كلا بد مشية فأنت الآن القدرية يديز مشية وتدي مشية لكن تودي لا volonté de personne elle est تحت مشية الله فتو deviens dans juste milieu. أما القدرية يديز كلا personne elle a une volonté لكن الله il a rien à voir avec cette volonté. A'oudou billah. Nous, on dit Allah, la personne, elle a une volonté, et cette volonté, elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Avec ce qawl, tu sors de Minal Jabriya, tu sors de Minal Qadariya, et c'est qawl ul haq. Il y a des autres kalams dans ça. يعني في في في في الضلال هؤلاء بعضهم مثلا كالقدرية يديز أن الله خلق الخير إلى بخلق الشر هذا ضلال يديز كالله إلى كخير بيا إلى فكخير المال ساسا بدي كيانوت خاطر عندهم كيسا كخير المال نحن ودي الله إلى كخير بيا إلى كخير المال خالق كل شيء كما قال في القرآن فشيخ العثيمين يعني كما تعلمون سليف كنا تنفر الأصول تلا c'est pas un livre qui va tout détailler là. Celui qui veut les détails في هذا يراجع الواسطية تدمورية ومن وما بعدها شرح تحاوية لابن أبي العز ذكر كثير في هذا الباب لكن نحن سأشوف الآن الحمد لله les frères qui ont fait les dors avec nous قبل on a vu tout ça en détail لكن ceux que c'est leur premier dors c'est هذا يكفي tu sais qu'il y a deux groupes الجبرية et القدرية. Tu sais que les Jabriyah, ils ont exagéré dans la volonté de la, dans la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Ils disent que la personne, il n'a pas de volonté. Aïe, la personne, il est. Yani, il n'a pas le choix. Tu fais du bien ou du mal, tu n'as pas le choix, c'est pareil. Les deuxièmes, Al-Qadariyah, ils ont exagéré dans la volonté de la personne. Ils ont dit la personne, il fait ce qu'il veut. Et Allah Azza wa Jalla, il n'a pas de qudra à la hada. Et hada, voilà. Et on a dit, le qawl haq, le juste milieu, la personne, il a une volonté, sa volonté, elle est sous la volonté d'Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Et هذا دليل المسألة. قال, والرد على الطائفة, على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع. الآن, شيخ العثيمين, il va montrer les erreurs des deux groupes. Les premiers, الجبرية. الجبرية معتزلة أو جهمية. جهمية الجبرية جهمية والقدرية معتزلة قال أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه الآن الشرع العظيمين يغبون جبرية أن la personne il a une capacité et il va montrer ça avec des dalils du Coran et de la Sunna et avec la raison il va montrer avec les deux la raison واقع أي ce qui se passe قال قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة c'est quoi الشاهد من الآية أحسنت أن الإنسان لا إرادة il a une volonté il y a des personnes qui veulent الدنيا il y a des personnes qui veulent l'au-delà ça montre que la personne il a une volonté قال وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الشاهد الواضح فمن شاء فليؤمن celui qui veut il croit ومن شاء فليكفر celui qui veut il croit pas يعني الإنسان il a le choix في هذا s'il n'aurait pas le choix لماذا celui qui croit pas il va être puni si t'as pas le choix Il n'y a pas d'ad. Parce que ça montre qu'il y a le choix. C'est pour ça que celui qui ne croit pas, il va en enfer. Mais Anna, il avait le choix. Enfin, c'est pour ça qu'Allah Azzawajal le punit. Anna, une personne qui n'a pas le choix, là. Mitl al-Majnoun. Al-Majnoun, il n'a pas le choix, quoi. Al-Majnoun, la personne qui est possédée, il ne sait plus ce qu'il veut, il n'a pas le choix, quoi. Quoi, s'il meurt à la hada al-Hal, il est tahd mashiyatillah, comme tu le sais. Allah Azzawajal, il l'éprouve dans l'akhirah. فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذه الآية واضحة أن من عمل صالحا فلنفسه. celui qui fait du bien c'est pour lui. قال ومن أساء فعليها. celui qui fait du mal c'est contre lui. قال وما ربك بظلام للعبيد. et Allah il est injuste envers personne. ça c'est un rad على الجبرية. أما الجبرية ils disent celui qui fait du mal il a été forcé, il n'a pas le choix. Tout le monde va en enfer. Est-ce que ça c'est du abd? Mada aïn al-dhulm. Wallah munazzah aïn al-dhulm. Wa ma rabbuka bi dhullam lil'abd. Hada rad qawi ala al-jabriya. Qalu amma al-waqi'. Al-waqi' c'est les choses qui se passent. Les choses qui se passent dans la vie quotidienne. Les choses que tu vois, t'entends. Nahnu al-waqi' aïn les choses qu'on vit, ça nous montre que l'insan il a le choix. T'as envie de venir au temps, tu viens. T'as pas envie de venir, tu viens pas. T'as envie de faire ça là, tu fais. T'as pas envie, tu le fais pas. Ça veut pas dire que t'as le choix là. Là je dis, t'as qu'audra à toi. Mais l'insan, il est ma'amour, bihad. Là, qui t'as le choix? Bihad, tu trouves, il y a des gens. Ils font ça là, il y a des gens, ils la font pas. Le waqi' est wadih, bihad. Après tout ça, tu te demandes comment haoula, ils khalifent dans ça. Al-Jabriya, comment ils ont fait pour s'égarer, bihad? Ça montre أن الضلال والبدع الضلال والبدع الإنسان يسير plus qu'il veut يعني il a plus de nour فلهذا تتخوف أصحاب المعاصي والمخالفات يسيقار أحيانا تتمنى كمو إلا فيه بواغبلا لكن هكذا يعني سكي بخلق الحق الله العافية قالوا أما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء قال وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح نعم الإنسان t'as des choses que tu fais avec ta volonté il y a des choses t'as pas le choix. Maintenant, les choses que tu fais avec ta volonté, t'as envie de manger, tu manges. T'as envie de boire, tu vas boire. Hada, c'est toi, c'est ta volonté. Et cette volonté, elle est sous la volonté d'Allah. Il y a des choses, يعني c'est غير اختياري. أنت tu le fais mais sans vouloir. Maintenant, tu marches, tu glisses, tu tombes. Est-ce que ta volonté, أنت tu voulais tomber? Là. Là. Ah, cette chose, t'as pas le choix. أو الارتعاش أو كثير منها. كثير منها. هذا واضح. Il y a un fort contre ça et ça. فلهذا les choses, il n'y a pas d'ikhtiyar, t'es pas pris. Maintenant, tu veux prendre un mushaf et te glisse de la main et tombe. لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما une personne elle vient, prend un mushaf et elle le jette. هذا يخشى عليه. C'est son qasid qu'il n'aime pas le Coran, qu'il a hada yakfur. Fa'andr al-fak, c'est le même geste. Yani, le Coran il est tombé. Lakin hada il a fait exprès et hada il a pas fait exprès. Hada fi'l ikhtiyari, hada ghayr ikhtiyari. C'est pas pareil. Amma al-jabriya indahum, c'est tout pareil. Tu prends le mushaf, tu le jettes, t'as rien à voir toi. Qadr Allah. Fara'aytum al-dhalal al-wadih. Qala fahu fil oula fa'il mukhtar bi iradati min ghayr jabr wa fil thani ghayr mukhtar wa la murid ma waqa alayhi. Na'am. La première, le premier cas, il a le choix. Ah, il y a des actes où il a le choix, il mange, et cada. Il y a des actes où l'insan, c'est sans faire exprès. Il glisse, et cada. Marou. Au matin, tu dors. Tu es réveillé, tu dis une parole mauvaise, matin, tu insultes. Là, il y a juste d'accord. Il y en a, tu as le choix d'insulter ou pas insulter. Si tu insultes, tu as des péchés. Une personne, elle dort et il rêve en Madrid et il dit une parole qabiha. Est-ce qu'il est pris? Il n'est pas pris. Mais Anna, ce n'est pas sa volonté. monde est où il dort. Il dort. Celui qui dort et celui qui est réveillé, c'est pareil. Celui qui est en bonne santé et qui a l'aql et qui est majnoun, il est possédé, c'est pareil. L'enfant, le bébé et le kabir, c'est pareil. On farraque celui qui a une qudra et celui qui n'a pas une qudra. Et c'est ce qu'a dit Aïssa dans le hadith Ali. Il y a trois personnes, le qalam, il n'écrit pas. Et ils ne sont pas pris. Ils sont pas pris. Et l'enfant, celui qui dort, et le majnou. Mais madame, ils n'ont pas d'ikhtiyar. Amma, en dehors de cela, là, tu as une volonté, tu as une capacité. Allah Azza wa Jalla, il te juge sur ça. Qal, warrad ala الطائفة الثانية القدرية القدرية المعتزلة قال بالشرع والعقل الآن شيخ العثيمين va montrer les erreurs du deuxième groupe et ceux qui disent que la personne il a une volonté لكن الله عز وجل يعني il a aucune قدرة sur cette volonté et tu fais ce que tu veux أعوذ بالله الإنسان il fait لكن il est تحت ملك الله الإنسان il a un رب الإنسان il est مخلوق فكيف هذا هذا comme on va voir لازم القول أنه إثبات الضعف لله عز وجل قال أما الشرع أي القرآن السنة قال فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الآن سان دليل أن كل شيء على سلطة بنتي الله كيف يجي نزمن للشاهد de la آية أي c'est quoi qu'on retient de ce verset pourquoi Cheikh Al-Uthaymeen l'a cité ici أحسنت ولو شاء الله ما اقتتلوا الآن الله عز وجل parle de personnes ils sont entretués si Allah il aurait voulu ils seraient pas entretués Allah لماذا لأن les deux personnes matalan qui s'entretuent c'est des serviteurs d'Allah Allah il fait ce qu'il veut s'ils veulent ils s'entretuent pas Allah عز وجل comme ça yakoun ils s'entretuent pas enfin le fait les actes des personnes ils sont en dessous de la machia d'Allah عز وجل ils sont sous la volonté d'Allah عز وجل amma ceux qui disent comme qadariya Anna la personne elle a une volonté elle n'est pas sous la volonté d'Allah c'est comme s'il se passait quelque chose dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il le veut pas ou Allah il n'a pas de qudra dessus هذا c'est du dha'f aina qawl Allah azza wa jal wallah ala kulli shay'in qadir aina hada qal wa qala ta'ala wa law shi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa al-qawlu minni la amla'anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in نعم ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها سي الله لو فولي لو غيدي تول مون الله الله الله في سكيف سي فاي دغار تول مون لكن الله عز وجل له حكمه الى غيدي سيرتين بيرسون الى غاري دوت الى حكمه لي واضحه لان الله الى كخي الجنه والنار يبا غومبليغ لي دو الجنه والنار قالوا اما العقل هذا سي واضح ان لا بيرسون يعني الى سو لا فولونتي دالله قالوا اما العقل فان الكون كله مملوك لله تعالى والانسان من هذا الكون اي الانسان مخلوق اي tout ce qui est en dehors d'Allah et tout ce qui est créé et انت ايها العبد tu fais partie de cette création toi et tes hommes قال من هذا الكون فهو مملوك لله ولا يمكن للمملوك ان يتصرف في ملك المالك الا باذنه ومشيئته نعم انت tu fais partie de la création d'Allah tu fais partie du royaume d'Allah tu fais partie des serviteurs d'Allah اما في المخلوق نعم مثلا une personne il a des esclaves l'esclave il peut faire quelque chose et son maître il est pas d'accord هذا في المخلوقات il peut هذا اما الرب لا الله يعلم كل شيء tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit et tout ce qu'on pense Allah il le sait et il l'a écrit et il t'a donné une volonté et il va juger sur cette volonté Allah يعني التوفيق الحاصل والخلاصة في باب القدر لأن الكلام إلى كثير وهنا شيخ العثيمين إلى غزمي أما شفاء العلي للعلامة الإمام القيم رحمه الله إلا انطبعه كت مجلد كت مجلد هكذا يعني كت فوليوم سكوت سور القدر أما شيخ العثيمين أني نزامي أن كت باج إلى كومبريسي إلى غزمي جزاه الله عنا خيرا رحمه الله أما القدر الإنسان le résumé de ce chapitre sur le qadar أن الإنسان يستسلم لله الإنسان يسومي الله il va pas chercher mais pourquoi mais si j'aurais ferme ses portes tu vas t'égarer نصيحة ferme ses portes c'est باب égarement لأن القدر سر الله ça veut dire quoi سر الله أحسن le secret d'Allah il y a des choses tu pourras pas comprendre Pourquoi Allah, si c'est Kada, pourquoi il me l'a écrit, moi je n'ai pas encore fait, ferme ce bain. Anta, tu ne sais pas Allah ce qu'il t'a écrit. Et Allah, il a écrit. Et toi, tu ne sais pas. Fais le khair et Allah Azzawajal, la yudayouk. Si tu es mukhlis, Allah Azzawajal, il ne te laissera jamais. Fais le khair et rentre pas dans ça. Pourquoi ? Mais à ton avis, si y a Kada, mais pourquoi là ? Il y a des choses, tu ne les comprends pas. Mais Anna, c'est min sirrillah Azzawajal, c'est le secret d'Allah. Al-Qadar Allah, il nous a montré que certaines choses, on ne les connaît pas. L'insan, il rentre pas bien. فلهذا الصحابة tu les vois ils rentrent pas vers هذه الأمور on a vu le hadith أمس ils l'ont demandé لماذا العمل le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a dit عملوا انتهى ils ont plus jamais demandé vers لأن tu peux avoir un إشكال on dit نحن fait applique tu sais pas ce qu'Allah t'a réservé fais du bien et inshallah tu trouveras du bien c'est pour ça صحابة tu les trouveras pas pourquoi là, là après tu les trouvais ils étaient مجتهدين جدا في العمل الجهاد ils faisaient الحج الصلاة كثير من الأمور فنحن هكذا فأيها المسلم يعني لا يغرك الشيطان من هذا الباب الشيطان يبيع من كثير من الناس في هذا الباب اعلم أن كثرة السؤال من أسباب الزيغ كثرة السؤال من أسباب الزيغ كما مر معنا في الأربعين ستكون حديث ها؟ نعم اختلافه مع أنبيائهم وكثرة مسائلهم أي لا شوز لا كوز كفي إيغاري بني إسرائيل وغيرهم سي لو فات دو بوزي تروب كيستيون كيستيون إنوتيل بوركوا بوركوا بوركوا حتى تتقع قال عليه الصلاة والسلام وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي لبعض الناس أن الشيطان يفيان يخسر المصان يقول لك كي سي كخي كذا La personne dit Allah. Qui c'est qui a créé les cieux? Allah. Qui c'est qui a créé les anges? Allah. Qui c'est qui a créé Foulan? Allah. À la fin, il dit quoi? Qui c'est qui a créé Allah? Al-insan, il s'égare. S'il est daïf, il s'égare. Il dit c'est vrai, qui c'est qui a créé Allah? Comment il est venu? Abdoubillah. Allah, c'est le Khalif. Ça, c'est une mabda al-kuffar. Mabda al-kuffar, toute chose, elle a besoin d'être kada. Là, nous dit les makhloukats, elles sont créées. Mais Allah, il n'a pas besoin d'être créé. Allah, c'est le Khalif. Ça ferme ce bab. Ferme ce bab. Et ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a un qiyama, Allah il va te demander sur les choses du qadar, il ne va pas te demander sur Allah. Allah il y a un qiyama, il va te demander tes a'mal. Tes a'mal. Et l'azur, il y a un saf, il y a l'adhina amanu, aminu salihat. Fa'anta tu'mine et tu fais. Wattrok hada. Pourquoi? Mais comment? Là, tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Fa'utrok, et tu sais qu'Allah il a tout écrit. Et tu sais qu'Allah il est injuste envers personne. Si tu as ces deux mabdas, tu ne t'égares pas avec Innallah. Tu sais qu'Allah il sait tout, il a tout écrit ce qu'on a vu. Et tu sais qu'Allah il n'est pas injuste. Enfin, toi tu fais et tu sais qu'Allah il va te guider avec Innallah. Hakada al-mu'min. Amma l'i'tiradat bil-as'ila ila akhir, ça c'est bab al-dhalal. Enfin, l'insan il comprend hada, yasta'in billah et il avance. L'essentiel en toi c'est que tu vas fil jannah, c'est ça l'essentiel. Amma tu sais pourquoi les kafirs kada, mais s'ils ont reçu, mais ils ne savaient pas autre qu'hada al-bab. Allah, si il met quelqu'un en enfer, c'est qu'il mérite. Intaha. Tu sais pas, il mérite. Allah, il sait mieux que toi. Wallahu ya'lam, wa antum la ta'lamu. Ça rentre pas dans des choses que tu maîtrises pas. On dit ça, nous, les anna, fi bab al-qadar, ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup. Les personnes, ils se posent des questions. Et celui qui t'offre l'ilm, il fait kutub l'i'tiqad. Tout ça, c'est très simple. Mais c'est t'aslim l'illah, Allah, il a fait kada, il a dit kada, intaha. وفق الله الجميع قال انتهينا من مرتبة ثانية من الدين الإيمان on a vu l'Iman بالله on a expliqué on a vu الملائكة on a vu الكتب الرسل اليوم الآخر et on a fini par القدر on a vu les six piliers de la foi وفي الحقيقة celui qui maîtrise que شرع تيمين الهدي il va être على خير كثير les livres de عقيدة que tu vas faire inshallah ça va être très simple لأن شرع تيمين il a emmené du خير كثير في الكتاب et ça on avait dit c'est des دروس de عقيدة الآن on continue le livre et on passe à l'Ihsan Et révise, ayouha talib, révise. Il y en a à la fin du livre, comme je vous avais dit. Dès qu'on va finir le livre, bi-idhnillah, inshallah, la semaine prochaine, on prendra un jour et on révisera tout le livre. mat, n'est pas le char. Anta, on va voir si t'as compris le char. Maintenant, je vais ouvrir le livre, je vais dire, Cheikh Islam, il a dit, Al-Iman bil Malaika. Ça veut dire quoi, l'Iman bil Malaika? Et Anta, tu réponds. Enfin, révise. Révise, l'Ahlou, pour l'instant, on passe. Lakin, toi, chaque jour, révise un peu. Hatta, le dernier jour, mais Ibnillah, t'es prêt, et t'as compris le kitab, et on passe à un autre. Inch'Allah. Al-Ihsan, ils le traduisent par la bienfaisance. Al-Tuhsin, tu fais du bien. Qala ruknun wahidun wa huwa an ta'bud Allah ka'annaka tarahu in lam takun tarahu innahu yarak. Wa dalil qawluhu ta'ala inna Allah ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun. Al-Muhsin, sahib al-Ihsan. أن المسلم صاحب الإسلام والمؤمن صاحب الإيمان فالمحسن سيشري كدو إحسان أي أن بيافتا كدو بيان قال وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع البصير نعم الله يدفوع الله يدفوع فالمحسن إلى دغ الله عز وجل كم سي الله اللي فوي أي الله اللي فوي alors que lui اللي فوي أنت تفهم لكن تفهم فالمحسن من كثرة قوة إيمانه وصحة معتقده يعني إلى تغلى كم سيلفوي أي هو كم سيلفوي الله لكن لا تفهم أي الله يلفوه قال وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الله للشهيد الله يفوته أي للتموان تو لا يخفى عنه شيء عز وجل في السماوات ولا في الأرض قال الشيخ العثيمين رحمه الله الإحسان ضد أو ضد الإساءة نعم الإحسان c'est le bien c'est le contraire de l'إساءة لمن قال وهذا وهو أن يبدل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبدل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه الآن شغل عثيمين إلى السيتي لا بيانفوزونس envers les créatures tu fais du bien avec ton argent avec tes membres avec ton علم avec كذا على هذا on va voir la bienfaisance et l'ihsan elle se divise en deux تنقسم إلى قسمين الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق مع المخلوقات الإحسان مع الله c'est ce qu'il a cité chez l'Islam أن تعبد الله كأنك ترى فالإحسان c'est التوحيد c'est كادور الله عز وجل seul comme si tu le voyais comme si tu le voyais فأنت تدور الله seul et l'إحسان c'est une مرتبة plus tu l'adores comme si tu le voyais فالإحسان c'est plus fort que l'Islam l'Iman أما الإحسان avec les créatures c'est ce qu'il a dit sur l'Utim أي c'est que tu fasses du bien et tu ne fasses pas de mal يعني aux créatures d'Allah عز وجل avec ton argent avec ta manzila al-jah on va voir un par un بإذن الله قال فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكى وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة نعم le fait de faire du bien avec ton argent c'est sadaqa sadaqa ay tu donnes lillah et le plus haut niveau يعني dans le fait de faire du bien avec son argent c'est zakat az-zakat ما اقترب الي كما في حديث القدسي ما اقترب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فاحب الاشياء الى الله الفرائض فالله عز وجل لا زكاه qui est obligatoire يعني الله يلم plus que يعني النوافل لأن الفرض إلى أعظم قال لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومباني العظام ولا يتم إسلام المرء إلا بها لماذا الذي ولا يتم إلى قد لا يصح الآن شغل عثيمين ينموخ الآن الزكاة ينودي لا يتم إسلام المرء إلا بها يتم سبيان تمام أو إتمام أي complet. فلماذا إذا parlé de يعني الإسلام de la personne il va pas être complet qu'avec zakat. لماذا n'a pas dit la yassih. On est في الزكاة. أنت يعني كثير من الناس دي كي بعض الزكاة بعض الصلاة صحيح لأن كثير في القرآن يصلاة الزكاة تقول بي بغلي الزكاة جريكتمو فالصلاة سلوي كلا دينس خرج من الإسلام على صحيح الزكاة صحيح فماذا؟ سو إسلام اللي تخفى فماذا؟ أحسن لهذا الذي لا يتم أي لا يتم الإيمان celui qui donne la zakat alors qu'il peut la donner لكن il croit qu'elle est obligatoire c'est un musulman لكن s'il la donne pas son iman il descend أما الصلاة الشهادة il sort من الإسلام فقوله لا يتم ça montre que Cheikh Uthaymeen il voit pas تكفير الزكاة et c'est le قول الصحيح تكفير تارك الزكاة أي تكاسلا أما الجاحد يكفر بالإجماع الجاحد يكفر بالإجماع تفضل يا قتال أبي بكر للزكاة لأن هؤلاء دي مرتدين ils n'ont pas donné وقاتلوا عليها une personne ne veut pas donner et combat pour elle et combat parce qu'il ne veut pas donner ah, ça c'est autre chose أما celui qui ne donne pas تكاسلا أو بخلا من هذه الأمور شيء et ça on l'avait vu avant في نسيت في درس ماذا في الأربعين نعم ومن هؤلاء parmi eux c'était pas des مرتدين لكن أبو بكر قتلهم الحديث يدل على هذا أمرت أن أقتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله إيش الحديث حج بن مسعود أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إن فعلوا ذلك فعصموا مني جماعهم وأموالهم وحسابهم على الله فالذي يمنع الزكاة ينقسم لا يفي في موضعه قال ولا يتم إسلام المرء إلا بها وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل نعم نفقات سلفت دوني فلو ميغ دون تبو فير أنت سسخشو لا زكاة أوبليغاتوار سا ستموت أن الإنسان يلاس با لوبليغاسيون يبا فير كل شوز كي با أوبليغاتوار لا يجوز هذا تتخو بعض الناس يفي دي دون فلان فلان فلان ديك سلا زكاة إلا صحبا حق الله لأولى Tu sors la zakat et après tu veux faire du khayr, fais du khayr. Amma, tu délaisses l'obligatoire et tu fais. Et elle est recommandée, ça c'est pas min tariqa salaf. قال ويا لذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخر هذا نعم ثم الإنسان في بدونه يسور لزكاة obligatoire ثم ينقض si ta mère elle a besoin c'est pas tu laisses ta mère et tu vas donner à maintenant tu trouves un pauvre dans la rue en tant t'as un peu d'argent ta mère elle a besoin et un pauvre en tant tu fais passer ta mère لأن ta mère elle a حق sur toi si tu peux donner au طيب si tu peux donner qu'à un donne à ta mère ثم le père ثم les enfants ثم ça nous montre أن العبادات لها ترتيب c'est pas هكذا الدين اللي كامل البروفيت صلى الله عليه وسلم نوضع مضخي فبعض الأشياء سبس أفن دوتخ قال من هذا الباب تتخوف دي بيرسون دي مسلمين أصلحهم الله إلى دلغجو مثلا إلى جامع في الحج تتخوف أجور إلى تركي Après il va à Madrid en Indonésie, après il va au Maroc, après il va en Tunisie, et Shahab. Il est où le Hajj? Le Hajj c'est un arcan de l'islam. Celui qui a l'argent et qui a la capacité, le Hajj. Mais le tourisme, il n'y a pas de faïd à vie. Je ne dis pas que c'est haram si tu es loin des muharramat. Tu as le droit d'aller là ou là, tant que tu ne tombes pas dans le haram. Mais comment tu délaisses un rukn de l'arcan de l'islam? Tu as envie de prendre l'air, tu as envie de sortir, va au Hajj. Tu fais le Hajj, promène-toi. Il dégaspille par d'hommes, ils font des voyages, ils lui montent à Madrid comme Akhtar Min al-Hajj. Et il délaisse le Hajj. Et c'est un musulman. Il n'y a pas de mari. L'insan, il fait ce qu'Allah lui a demandé. Arkan l'islam, dès que tu peux, fais-le. Amma, je veux faire le Hajj dès que j'ai 50 ans, dès que j'ai la retraite, ça c'est qu'elle aime faire. Et t'as fait un d'Allah, ahdan, anna, quand tu vas rester vivant. Mana khbarak. Là, en tant que tu es vivant, fais le Hajj. Il va venir un jour, tu vas tomber malade. Combien de vieux on les voit là de vieux, on les voit un, ils ont vieilli, ils peuvent plus se déplacer. Il m'a le diabète, il m'a la kada, il m'a la kada, il peut plus se déplacer, il regrette. Il veut faire le hajj, il peut pas. Il m'a, il peut pas prendre l'avion, il peut pas voyager. Fais l'imam là, dès que t'es jeune et t'as l'argent, l'imam là, tu fais pas. الحج سي با ريزيرفون فيو هذا سي كلام فارغ اركان الاسلام على البالغ العاقل ديك تاع البلوغ 16 ans la puberté et تاع القدره تاع لارجون ايتو الحج سي واجب pour toi لي واجب اما فتح الباب و غادي سي صلاه pour les vieux zakat pour les vieux هذا لا يصلح الدين للجميع قال ثم الصدقة على المساكين وغيرهم ممن هم أهم للصدقة كطلاب العلم مثلا نعم الإنسان والإنسان يحتسب chaque fois que tu donnes une صدقة يحتسب لأن الدال على الخير كفاعله مثلا أنت تشد دي ليفغ أن طالب تفين صدقة à chaque fois que le طالب يلوف le livre et il lit la déhassanat toi t'as pareil فتطاري فالإنسان يحتسب مثل هذا مثل هذا حقيقة هذه سيدي حسنة فاسل لكن نحن نغفل أما celui qui مثلا يبخون شهر دون أخفلان أن pauvre أن طالب علم كذا عند الله يبقى تخذي أجر عظيم قال وأما بدل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب ما معنى الجاه الجاه أحسن منزلة أغوه Il y a des gens, ils ont un rang élevé. C'est un roi, c'est le fils d'un roi, c'est un patron, c'est un cadre, c'est un cadre. Il y a des gens là, il y a des gens, c'est des massacres, des pauvres. Ça, manazil al-nas takhtalif. Manazil al-nas takhtalif. Fa anta, si t'as un rang élevé, fais du khayr avec. Maintenant, t'as un rang élevé, tu peux faciliter à fulan kada. Tu fais une shafa'a à fulan. Fais-le. Tant que c'est du khayr. Amma fi shar la yajou. Qala azza wa jal, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال وأما بدل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه يأتي رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي السلطان يشفع له عنده إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له نعم هذا سيدي خير مثلا الشيخ العثيمين لدينا يكذب إن تخسن إلى أن رو إلفي إلى كونتاك مثلا معك avec le wazir, avec le président, avec le roi, avec kada. Et maintenant, une personne a besoin de quelque chose. Cette chose, elle est halal, moubah. Fahoua, maintenant, yashfa'a. Il va, il intercède vers celui-là, vers la personne qui a le poste, et il arrive à faire passer hada. Tant que c'est fichay. Tant que c'est fichay. On lui enlève un problème. Miskin, maintenant, il a un problème avec fulan, il n'arrive pas. Là, bah. Amma fichar, la yajouz. في الشرع لا يجوز قال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد يعني أتشفع في حد من حدود الله يعني مو القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كوبي لا مان دون فام لافي فولي قريش يعني يقول با كست مان سو فاس كوست فام سو فاس كوبي لا مان فايزو شيرشي لا بيرسون محبوبة عند رسول الله أي بيرسون كو الرسول يلم بيان أسامة بن زيد حب رسول الله هو وأبوه أي البروفيت يلم بيان يعني أسامة بن زيد son père زيد بن الحارثة معروفون الصحابيان جليلان ف ils ont envoyé أسامة vers le رسول pour qu'il intercède pour pas que le رسول il coupe la main à la femme dès qu'il est venu voir le رسول الرسول صلى الله عليه وسلم il s'est énervé il lui a dit il a, يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله أي تنتخسد dans une loi de loi d'Allah عز وجل لا في هذا يبقى شفاعة أشفع coupe la main le mérite أشفع coupe أنت تستفيد من هذا الحديث ويعني أدلة أخرى أن التعاون والشفاعة إلى في المعروف إلى في المعروف أما المنكر لا واحد إلى فولي إلى تشوي إيه أنت تشوف بغل الجوج تلو كونه نو في البغيان جلو كونه لا يجوز لا يجوز إلى في بي إلى في بي فأنت لست أرحم من الله الله إلى ميسي حدود et ses lois et ses sentences et Allah c'est Arhamur Rahimin anta tib arhamin amma si tout le monde intercède dans tout il va avoir la fouda fulan il va aller tuer fulan fulan il intercède comme il faut avec la corruption l'an et l'amr il est fouda la yajouz hada al-haq haq قالوا أما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات والمجالس والعام العامة والخاصة الآن لفت دفر جبيا avec son علم le premier on a vu avec l'argent le deuxième on a vu avec ta place ton rang la troisième avec ton علم et هذا le واضح si t'as du علم tu fais du bien avec et tu l'enseignes قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية قال حتى لو كنت في مجلس قهوة أي مجلس عام جزعان تشموش كذا لا بس ينصح إلى آخره قال فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس لكن لا تكثر On avait vu fil 40 et avant on l'a revu هنا on l'a revu dans ce kitab نعم au début on a vu أن الإنسان لا يكثر À chaque fois, il s'assoit matin, midi, soir, il fait kada, éloignez-vous de kada, kada, là. Les ananas, ça y a mal l'eau. Les êtres humains, les personnes, c'est des êtres humains, c'est des bachas. C'est pas tout le monde qui peut tlaber l'une du Fajr au Isha. C'est pas tout le monde, hada. Anta, ayouha talib, Allah, il t'a facilité kada. Pense pas que tout le monde, c'est comme ça. Tu vas vers ta mère, mine al Fajr, il a l'Isha, et tu lui dis. Ah, deuxième jour, Adris, tu vas la trouver. صحيح الإنسان القلب هذا العلم إلى ثقيل إلى ثقيل على بعض الناس أما ليسير على من وفقه الله على بعض الناس ثقيل جدا vous avez remarqué qu'il y a des gens maintenant ils peuvent rester devant un film pendant 2 heures vite fait 2 heures ils regardent كذا une آية قرآن il la lit pas dans le jour il peut pas c'est ثقيل عليه المعاصي الجهل إلى آخره المصحف il lit une page خلاص c'est lourd C'est lourd. Amma, les films, le foot, kada, kada, fa. Ba'danas, du fajr à la nuit. Tullab dunya. Qala fa inna min al-khayr wa al-ihsan an tu'allim al-nas. Wa law kunta fi majlis 'am fa min al-khayr an tu'allim al-nas. Wa law kana isti'mal. Walakin, ista'mil al-hikma fi hadha al-bab. Al-hikma, wad' al-shay fi mawdi'ih. فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في مجلس جعلت تعظهم وتتحدث إليهم نعم دائما لا سيملون ils vont te laisser وما يفعل جماعة التبليغ c'est معروف الآن il y a des gens ils les voient de loin ils sauvent دائما toutes les 2 minutes كذا faites كذا qui c'est qui crée les cailloux qui c'est qui marche Allah المستعان بس الله يهديهم c'est des massacres والله جماعة التبليغ c'est des massacres les têtes ils ont du char les têtes c'est des dhullan c'est des munharif أما والله les jeunes qui vont avec eux إلى آخره بعضهم c'est des massacres الإنسان يرسق به et il le montre s'il est à la علم s'il ne sait pas يبتعد لكن يعني tous les jours أولا الدعوة c'est pas sur ça الدعوة c'est la توحيد الألوهية كما تقدم ثانيا لا تكثر لا تكثر احيانا يفوت دي جون كذا يدي با حتى يملوا لا احيانا يعني كم يفزي ابن مسعود اون فوا باغ سومين اون فوا كذا لان الناس با توز دي طلبه علم الناس قليل اي دك تو لو بار برو فورسا تو بار دي ليسونسييل سي با تو فيان لو جون يكومونس ا تيكوتي تو لو بار دان كايو اصلحك الله يلا يجي الكايو الله الا خلق يا بخير Ça l'a fait rentrer dans l'islam. Ça l'a pas fait rentrer dans l'islam. Il faut qu'il jihad, il faut qu'il la comprenne, il faut qu'il fasse salat et l'akhir. Enfin, perds pas ton temps et tu fais da'wa, t'as un peu de temps, tu perds ton temps. Shay qui a rien à voir. Et jamais à t'abrir, ma'rouf. Mubtadi'a dhullal. فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في مجلس جعلت تعظهم وتتحدث إليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكثر قال لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم نعم أنت تبيع مثلا فزد كثرة فامي أنت تبيع لدوزيام يبيع لتخوازيام يبيع يعني على فرصة بيتلوح pour cette mère ou ce père qalil tu nous montres l'aham et tout doucement amma tous les jours khasatan si c'est mal fait ça yata'ab et ils vont plus accepter toi enfin l'insan يعني il prend chose ses considérations le prophète sallam il l'a fait hada. Le prophète sallam une fois ils lui ont demandé il a dit là ils lui ont demandé de faire plus à El Mo'iza le Nabi sallam qu'on a vu dans l'Arba'in il a dit là Ibn Mas'ud كذلك il faisait tous les jeudis ses compagnons sont venus ils ont dit ya Aba Abdurrahman on aime bien dès que tu nous parles كذا fais-nous tous les jours il a dit là c'est un mal c'est un être humain l'insan يعني احيانا on est en train de parler ça c'est sur le Mo'iza أي تذكر بالجنة النار كذا أما طالب عين سي أوت شوز طالب عين سي بوغ دي جون دي طلاب سي با بوغ تول مون مثلا لعوام يبغى با توس طالب عين تو لي جور لا أما طالب العلم سي شوز كي لا شوازي هو تو لي جور عسى الله أن ينفع به نكتفي بهذا إي دوما أون فينيرا بإذن الله الباقي سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك